Amen. Bwana Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Nasalimia kanisa mzima asubuhi ya leo, mchana bwana Yesu Kristo. L'église ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hakika bwana amibariki. Que Dieu vous bénisse. Ce cantique, s'il y a un malade au milieu de nous, il sera guéri. Amen. Et c'est ma confiance si tu es venu malade. C'est le cantique de juste. Ça ouvre le ciel. Amina. Ikuna muita mwenye mamlaka atafika pahali hapa. Le tout puissant il va arriver ici. Mwimbo. Les cantiques. Bwana Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mina shukuru kanisa mzima. Je remercie l'église tout entière. Na banduku yangu bote. Avec tous mes frères. Tous les frères qui ont tendu la main sur moi. Même ceux qui avaient l'intention de le faire, mais ils n'avaient rien. Que Dieu vous bénisse richement. Je dis merci à la maison du pasteur. Ils m'ont supporté, ils m'ont patienté. Ils se sont préoccupés comme un enfant. Pour ça, que Dieu vous bénisse richement. Je remercie les bergers. Parce que dans cette cité de Kambo, c'est à travers lui que nous prêchons la bonne nouvelle. C'est derrière lui que nous montons pour venir annoncer la bonne nouvelle ici à Kambo, comme nous a autorisé du haut de la chair, pour que vous puissiez recevoir la vie de Dieu à Kambo. Pour ça, que Dieu le bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement, toi serviteur de Dieu. Parce que s'il refuse avec la chair, il peut refuser avec, c'est sa chair. C'est sur ces lieux où il garde votre vie. C'est ici. C'est pourquoi vous devez vraiment prier pour lui. Que le pécheur ne puisse pas s'introduire à travers lui, vous allez recevoir la mort. Amen. Je voulais d'abord vous dire au revoir. Restez d'abord assis. Comme nous avons reçu un vrai prophète, nous avons confiance que Dieu nous a aimés. Et même si vous écoutez à Créfès, ils sont tombés, ils ont laissé la foi et ne dorment pas. Vous ne soyez pas ébranlés. Même si vous recevez la nouvelle qu'à Kentucky, là où il y avait les prophètes, ils ont arrêté d'adorer, vous ne bougez pas. C'est lui que nous croyons, il est vivant. De la même façon que nous lisons les Saintes Écritures, réellement le Seigneur revient. Les yeux d'entre nous verront. Même ceux qui vont se retrouver dans la tombe, et aussi vont sortir de la tombe, ils verront le Seigneur. C'est pourquoi je vais vous dire au revoir avec quelques paroles du prophète. La prédication, troisième exode. La peur de foi, il est en train de parler pour nous, sur nous les Africains. C'est pourquoi je vous dis au revoir, que vous puissiez persévérer. Et l'autre prédication intitulée « Votre vie est-il digne d'Évangile ?» Paragraphe 141. La puissance et la force que vous avez, le prophète avait vu ça auparavant. C'est pourquoi je vais lire dans le troisième exode. Je vais lire tout simplement. On me l'a donné, la prédication qu'il avait citée. Si donc vous dites, eh bien, je suis un bon membre de l'Église. Cela n'a rien à voir avec la chose. Je sais que le païen, là-bas en Afrique, j'ai mes frères noirs. Je trouve que ces gens ont une moralité plus haute que celle de 90% des Américains. Eh bien, dans cette tribu, en Afrique, là-bas, si une jeune fille n'est pas encore mariée jusqu'à un certain âge, au cas où il atteint une certaine taille, et que personne ne l'a pas encore prise, ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. On les communiait. On enlève le maquillage tribal. Le maquillage tribal. Elle va en ville. Elle va devenir une ville. Et quand elle se marie, on vérifie réellement si elle est vierge. Si le petit voile virginal a été déchiré, alors, la fille doit dire clairement qui a fait cela. Et dans ces cas-là, on les tue tous deux. Combien de personnes ici aux États-Unis devraient-ils être morts si on appliquait ces lois-là de l'Afrique? Si on pouvait utiliser ça ici en Amérique, beaucoup d'entre nous auraient dû mourir. Et puis, vous les appelez les païens. Oh, oh là là, oh là, là. Ces gens-là, ils pouvaient venir enseigner à ces gens qui s'appellent les membres de l'Église. amener une vie digne. C'est vrai. Vous allez lire jusqu'en bas. C'est le prophète qui parle concernant vous, nos frères africains qui habitent en Afrique. Comment votre respect? Si nous lisons dans le troisième exode, la prédication, il dit ceci. Les Africains ne sont pas des esclaves. Ce sont les citoyens qui ont les mêmes lois que n'importe qui d'autre. C'est juste une conduite qui vient de l'enfer pour amener 1 million d'entre eux à se faire tuer. Ils déclencheront une révolte révolutionnelle, certainement. Ce n'est pas juste. Les hommes et les femmes ont leur droit respectif. Nos frères africains, noirs, nos frères japonais, les jaunes, les blancs, les noirs, quel que soit, il n'y a pas de différence à cause de la couleur pour notre Dieu. Nous venons tous d'un seul homme, Adam. Mais si Dieu nous a séparés et a rendu nos couleurs différentes, restons ainsi. Si j'étais un jaune, je voudrais bien rester un japonais ou un chinois. Si j'étais un homme de couleur ou un noir, je voudrais rester ainsi. Dieu m'a créé ainsi. 65. Franchement, la race noire a beaucoup de qualités qui dérange la race blanche. Il devrait avoir et ils ne se font pas des soucis. Ils sont plus spirituels. Ils ont mille qualités que l'homme noir, que l'homme blanc ne peut même pas voir. Dieu les a créés ainsi. Qui pourra bien chanter que le genre de couleur où on peut trouver des belles voix? Moi, je les vis. Venir des contrées très lointaines, ils ne savaient même pas distinguer la main droite de la main gauche. 30 ou 40 tribus différentes. Ils ont chanté de telle manière. Et les maîtres qui se tenaient là, ils ont dit: je ne peux pas égaler avec ces gens ici. Ils ont formé des chorales pendant les années. L'autre peut avoir une voix plus élevée, l'autre plus basse. Et tout, il a dit, écoutez ça, c'est vraiment parfait. Même dans une langue différente, ils sont doués. Amen. C'est pourquoi je voulais juste vous efforcer, vous encourager. Là où vous tenez, il y a la vie. Tous les cantiques que vous chantez, même aux États-Unis, même à Kentucky. Que Dieu vous bénisse. C'est avec ces paroles que je voulais vous dire au revoir. Même tous ces gens-là se fatiguent, vous ne vous fatiguez pas, tenez fort, parce que le Seigneur revient bientôt. C'est qui est bien, que chacun de vous puisse garder sa place. Là où tu es, tu, ça te suffit. Ne cherche pas autre chose, tu iras en enfer inutilement. Que Dieu vous bénisse richement. 442. On peut chanter. Thank you. tutasimama. Nous allons tenir debout. Matayo makumi mbili na saba. Matthieu 17, verset 27, nous allons lire. Baskari baliwali bakampeleka Yesu kule kwa nyumba ya kumsambishia. Les soldats, les gouverneurs kando yabo kikosi. Ont amené Jésus au tribunal et ils se sont tenus tous autour de lui. Kisha kumondosha mavazi. Après avoir lui déshabillé. Kisha bakamufika kanzu ya mwekundu. On lui a habillé une tunique rouge. Kisha bakamuvika na taji ya miba kukichwa. Et on lui a fait porter une couronne de pune. Bakampatia na litete kumkono ya kuume. Et on lui a donné une fleur à sa main droite. Kisha bakampigia magoti na kwanza kumzarau na kusema. Puis on lui a mis à genoux et on commence à le critiquer. Amjambo wewe mfalme wa Wayuda. Oh, toi le roi des Juifs. Kisha wakamtembea mate. Et on a craché sur lui. Na kumnyanganya ile litete. Et lui a arraché. Na kumpika le roseau qu'on lui avait donné et lui taper à la tête. Bwana ukuje. Éternel de sang. Oh, kuje tu ya batoto ya. Toi tu descends pour tes enfants. Ushuke moi mwana wa mabwana. Descends toi le Seigneur des Seigneurs. Kupali yako hapa. Nous sommes en ces lieux. Wani wenjo unajua kutunza magonjwa. C'est toi qui connais guérir le malade. Wenjo unajua kuleta jibu kwa mahitaji yetu. C'est toi qui sais donner des solutions à nos problèmes. C'est pourquoi nous t'appelons toi le grand Dieu que tu puisses guérir tout genre de maladies. Ouvre des livres, Seigneur, que tu puisses retourner ceux qui étaient perdus. Que tu puisses encourager les enfants que tu as arrachés tes sœurs. Je crois que tu le feras. Bénis cette église. Bénis, Seigneur, tes enfants qui t'ont écouté. Lève-moi de la scène. Que toi seul que tu puisses parler à ton Père. Montre ton œuvre de la croix. Nous tous, ce que nous puissions dire, Amen. Que nous puissions témoigner que tu nous as visités aujourd'hui. Fais-le pour nous, Seigneur. Je crois que tu le feras. Donne-nous ton esprit. Moi et mon interprète. Pour tes enfants, puissent recevoir ta parole dans son entièreté. Fais-le pour nous, Seigneur, aujourd'hui. C'est dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, et notre Sauveur, Amen. Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Mes frères, vous allez nous pardonner un peu. Vous qui venez seulement le dimanche, ce sont des histoires qui ont déjà pris fin il y a très longtemps. Parce que le Seigneur revient bientôt. Nous ne pouvons pas y revenir. Non. Nous avançons. C'est pourquoi, si vous absentez et vous ne mangez pas, tu vas tomber en cochon corps. C'est avec ta vie que tu joues avec. La vie. La vie est trop précieuse que tu puisses écrire ça dans votre cœur. D'être perdu et mourir n'a plus d'importance, n'a plus de valeur. Vous qui êtes assis ici, vous avez été racheté par un grand prix pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Si toi, tu prends encore ta vie au bout du doigt à la légère, là, tu as la chrétienté à pousser. Aujourd'hui, peut-être tu avais mal compris. Maintenant, examine, regarde comment ces héros qui avaient souffert pour toi. Si tu peux encore t'absenter, tu commences ton travail le lundi jusqu'à le samedi. Maintenant, où est la volonté de Dieu dans ça? Parce que si tu crois le Seigneur, tu commences à faire maintenant la volonté de Dieu. Tu prends seulement ta volonté, on verra où est-ce que tu iras avec. Là, il y avait la guerre à l'est. L'homme fouillait. Il regardait ses bœufs rester. Il fouillait, il était en train de fuir seul. Il partait maître du produit. Maintenant, toi aussi, préoccupe seulement de ton corps. Tu vois les abandonner toutes ces choses-là. Les enfants de Dieu persévérer. Si nous avons de quoi manger et les habits, cela nous suffit. Notre sujet de la prédication, ces jours-là sur le calvaire. C'est sur ça que nous allons parler encore aujourd'hui. Parce qu'on avait des âmes liées jusqu'à aujourd'hui. On a vu les âmes qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Nous allons un peu finir parce qu'il y a ces deux voies sur lesquelles que nous allons parler aujourd'hui. Le prophète avait vu le chemin de ceux qui descendent vers le bas avant de passer par le paradis, la voie qui mène vers le trône de grâce, la voie qui mène vers la vie éternelle, que nous puissions parler d'abord sur la voie qui mène vers le bas. Comment est-ce que le prophète avait vu ça? Si vous allez supporter cela, paragraphe 82, la prédication sur les âmes qui sont encore en prison jusqu'à maintenant. Le but de ce message ce matin est de mettre l'Église au courant de toutes ces choses. Dans la mesure où il me laissera les faire. Au fur et à mesure, nous avançons. Selon ma connaissance, ces choses m'ont frappé. C'est pourquoi je désirerais mettre l'Église au courant. Mais cela ne s'adresse qu'à l'Église et tabernacle. Voici ce qui arriva à celle du première vision. Lorsqu'elle arriva, j'étais si faible. Après avoir perdu tout ce sang, beaucoup de gens parmi vous m'ont déjà entendu. Vous les racontez. Je pensais que j'étais en train de tomber dans une éternité sans fin. J'ai traversé quelque chose comme si c'était la nuée. Puis j'entrais dans les ténèbres. M'enfonça. De profondeur en profondeur. Tout à coup, j'atterris la rayon de perdu. Là, je me suis mis à crier. J'ai regardé presque partout. Puis, tu n'avais pas de fondement. Je ne m'arrêtais pas de tomber, je ne faisais que descendre. Dans une chute qui semblait être éternelle. Je suis tombé. Il n'y avait vraiment aucun point d'arrêt nulle part. Quelle différence avec la vision que j'avais eue il y a quelque temps, où j'étais dans la gloire avec le peuple de Dieu. Quel contraste. Mais ici, tandis que j'ai tombé, j'ai fini par appeler mon papa. C'est vraiment naturel pour un enfant. Et j'ai crié papa. Et en criant, mais il n'était pas là. J'ai crié maman. Que quelqu'un me prenne. Mais il n'y avait pas là de maman. Je continue toujours à descendre. Alors j'ai crié à Dieu. Là, il n'y avait pas de Dieu. Il n'y avait rien du tout là. Au bout d'un moment, j'ai entendu le son le plus juste, le plus doux que je n'ai jamais entendu. C'était en tout cas une sensation le plus particulière, effrayant, qui brillait littéralement dans un feu ardent. Ce serait un plaisir à cela, c'est brûler dans le feu. Oh, ces visions n'ont jamais été fausses. C'était l'une des sensations les plus horribles que j'ai jamais eues. J'entendais un bruit comme dans un lieu hanté et j'ai vu arriver quelque chose. C'était des femmes. On a percevé juste leur visage. Et ils avaient une espace de subsistance verte au visage. Elles étaient un peu maquillées vers l'arrière, comme le femme au fond aujourd'hui lorsqu'elles se peignent autour des yeux. Et vous voyez, je ne voyais que des yeux et leur face. Et elle passait en gémissant. Mon frère, je me suis mis à crier. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Dieu, où es-tu? Si seulement tu me laisses revenir et vivre. Je te promets d'être en tout cas un très bon garçon. C'est tout ce que je pouvais en tout cas dire. Dieu le sait. Et au jour du jugement, il me jugera sur cette déclaration. C'est ce que je dis. Seigneur, je dis, laissez-moi revenir. Je te promets, je serai un bon garçon. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est la voix qu'empruntera les Corées. C'est la voix qu'empruntera les Balaam. C'est la voix qu'empruntera les Caïn. Nous avons vu au cours de la semaine, mes frères, lorsque l'homme meurt, tout homme avant de mourir, il a toujours vu deux chemins qui arrivent devant lui. Mais non, tout ce que tu fais, on écrit ça. Tout ce que tu fais, on met ça par écrit. C'est pourquoi vous allez voir, quand l'homme veut mourir, il est en train d'agoniser, les yeux ne font que regarder. Vous allez essayer de faire bouger les paupières, ça va rentrer. S'il voit la voix de la mort, il va commencer à pleurer. Quand vous allez voir, mes frères, ils sont en train de nous mentir, disant que si vous mourrez aujourd'hui, il y a la prière, il y a une prière qu'on peut faire en votre faveur pour qu'on puisse vous faire sortir de la mort vers le repos. C'est, ils sont des démons, ils sont en train de tromper les gens. Ils ont des démons, certainement. Ils sont en train de tromper les gens. Ils vont prier pour toi, pour te faire sortir dans le tourment, que tu puisses commencer à faire tourner les chapelets chaque jour, disant qu'il y a quelqu'un qui va prier pour toi. Après la mort, on va te faire sortir de la mort vers le repos. C'est quel genre de jeu? Amen. Lorsque vous êtes encore vivant, arrange ta vie. Arrange ta vie. Dieu vous a donné la journée d'aujourd'hui, c'est pour te préparer. Tu ne sais pas comment est-ce que le soir va tomber. Je peux terminer juste de prêcher ici. Et en quittant seulement dehors, peut-être je ne peux même pas arriver chez le pasteur. Peut-être seulement en montant le véhicule, je peux tomber là-bas et mourir. Amen. Le temps qu'on m'a accordé, le temps qu'on t'a accordé, c'est pour que tu puisses te préparer. Il n'y a pas que l'histoire de prier pour toi après la mort qu'on puisse te faire sortir dans le purgatoire pour t'amener dans... C'est le mensonge, c'est la séduction du diable. C'est pour toi. Vous verrez, lorsque quelqu'un est en train d'agoniser, il commence à pleurer. Il va commencer à prier. Oh, j'étais en train d'ébouffer les gens. Oh, il avait des démons, il avait des fétiches. Non, ce sont ses œuvres que tu es en train de voir, ça, en train de défiler devant lui. Il n'y a personne qui peut plaider pour toi. Même si tu t'apprécies, si je puisse ressusciter, je serai une bonne personne. C'est faux. Ça n'est déjà fini pour toi. La voix des justes, amen. Si un juste commence à agoniser, il va chanter des cantiques et nous dire au revoir avec un agite dans la main. Parce qu'il voit là où il est en train de partir. Il va chanter des cantiques et nous dire au revoir en agitant la main. Parce qu'il voit là où il est en train de partir. Mes frères, s'il y a quelqu'un qui a déjà préparé une bonne place pour nous, c'est Dieu. Tout ce que vous préparez ici, c'est Dieu qui vous l'a déjà accordé. Le sauver. Ceux qui ont tracé les chemins sur lesquels nous allons passer, ils ont tracé même l'arche parce qu'il y a une rivière pour traverser. Avant, ils vont traverser de l'autre côté. Ils vont te trouver avec des cantiques. Et leur cantique et tes cantiques, vous allez vous croiser. Amina. Quand tu vas monter dans l'arche, cette arche qui va vous transporter vers l'autre côté, tu diras réellement, je suis un fils du roi. Amen. Parce que là où nous allons, nous connaissons, nous sommes reconnus de l'autre côté. C'est pourquoi même celui que nous croyons, nous le connaissons, il nous a promis, il est allé nous préparer une place. Tu dois fournir tes efforts pour avoir ta maison de l'autre côté. Amen. Amen. Vous devez vous efforcer pour cela. Toi, tu t'absentes, continue à t'absenter. Peut-être que tu n'avais pas encore bien compris. Le prophète avait vu le dame maquillée. Le dame de Jézabel maquillée. De Jézabel maquillée. La prédication encore une fois, Seigneur. Nous allons vite. 84. Les prédicateurs des séminaires, qu'ont-ils fait? Des femmes habillées de façon purement mondaine, portant des shorts, ayant des cheveux coupés. Et des hommes n'ont pas le courage de condamner cela. Tout homme qui laisse sa femme faire cela a besoin d'un bon fouet de l'Évangile, c'est vrai. Ça montre un déshonneur. Et vous, vous acceptez cela. Tout homme qui laissera sa femme sortir dans la rue vêtu d'un pantalon bizarre, elle sort avec. Avec le pantalon collé et la peau étendue, elle marche dans la rue d'une manière, cette façon. C'est absolument une disgrâce pour le monde. Cela prouve à suffisant qu'il y a quelque chose qui manque à cela. C'est la preuve qu'il y a un vide. 90. Cet homme qui dit, cet homme qui disait qu'elle embellissait le monde en se maquillant. Pour moi, c'est devenu une bande de païennes, et toute femme qui fait cela pour qu'il y a quelque chose qui manque en elle, un vide qui devrait être comblé par Christ doit. Et tout homme qui laisse sa femme faire des choses pareilles, lui aussi cet homme, il confirme qu'en lui il y a un vide. Et tout prédicateur qui tolère cela dans son église prouve aussi également qu'il y a un vide en lui. Et toute dénomination qui tolère cela prouve réellement qu'elle est morte. C'est vrai. Retournez à la Bible. 86. Si vous voulez paraître joli. Amen. Amen. Si tu veux apparaître joli, belle. Et les doctrines que tu vas appliquer, que nous allons te montrer. Si tu veux être belle, avant, au lieu de te maquiller pour mourir, des lotions à vous maquiller, les doctrines, si tu veux apparaître jolie, prenez Actes des Apôtres 2, 14, écrivez. Un peu de Jacques, chapitre 13, verset 14, mélangez ça ensemble. Un peu de Jean 3, 16, amen. Mélangez cela. On verra si tu ne seras pas très joli. Amen. Mélangez cela. Dieu tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que tout ce que tu crois en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Lisons la voie qui amène vers l'éternité. Nous allons lire verset 27. Basi waskari. 27. Matthieu 27. Waskari baliwali. Le gouverneur. Bakampeleka Yesu mchumba kumsambisha. Ils ont emmené Jésus-Christ dans la maison au tribunal. Ils ont entouré autour de lui. Puis on lui a enlevé les habits. Il y avait une tunique rouge. Et on a construit pour lui la couronne d'épines. On lui a mis à la tête. Puis on lui a donné le roseau dans sa main et on lui a mis à genoux et on lui critiquait. Nous te saluons, toi le roi des Juifs. Et enfin, on a craché sur lui. On lui a ravi ce roseau et on lui tapait ça, en lui tapant ça dans la tête. Que le Seigneur bénisse. Toi qui n'avais pas compris l'œuvre de la croix, que tu puisses comprendre ce matin. Le roi des rois a laissé son trône de grâce au ciel pour venir te sauver toi, puisse payer pour toi les prix devant le diable. Que Dieu bénisse. Où il était arrêté, on l'a arrêté vers le soir. Quand on lui avait arrêté, c'est un homme qu'on voulait arrêter. On lui a vraiment flagellé. Que le Seigneur bénisse ce moment. Et ce matin-là, lorsque le matin est arrivé, on lui a amené. Et il devrait répondre ce qu'ils cherchaient. C'était du perte de temps pour lui de répondre. Quitter avec lui dans le bureau de l'extérieur. Que Dieu bénisse. Et ils sont arrivés en cours de route. Comme ils avaient besoin de lui. On a tissé une couronne d'épines. Et on a pris les épines qui étaient vraiment tranchantes. Parce qu'il s'appelait le roi de pécheurs. On lui a déshabillé. Il était resté ni. Regarde le prix qu'on t'a sauvé avec. J'étais pas. Si on peut me donner 10 000 dollars et me laisser ni marcher jusqu'à la fin de l'église, réellement, on peut me déshabiller. Mais, tel que vous êtes assis là, me voir nu. Si ce n'est pas la mort, je vais déménager dans cette cité. Amen. Mais lui, il n'y avait personne pour lui mettre les habits. On voulait lui humilier, lui ridiculiser. Amen. On lui a déshabillé. Il est resté tout nu. L'écriture dit, on lui avait dévêtu. Il n'y a pas un corps qui est allé vers le vêtement. Il était resté nu devant les hommes. Il n'y a personne pour plaider pour lui. Il n'y a personne pour lui sauver. Parce qu'il avait dit à Pierre, Pierre, arrête. Amen. Sur cet endroit ici, il n'y a personne dans cette chaire qui saura. Il fallait lui-même qui vient pour sauver son frère. Amen. Lui-même, lui seul, qui vient sauver, qui t'est sauvé, mon frère. Parce que le prophète dit, il dit bien. Vous pouvez tout oublier ce qui concerne mon sujet. Et moi-même, le prophète, je suis sauvé dans le péché. Paragraphe 349, dans la prédication révélation des sept sceaux, sur le septième sceau, vous allez écouter cette déclaration. Éphésiens 2, quand nous lisons au verset 8 et 9, il n'y a personne qui peut se glorifier. Vous pouvez accomplir cette œuvre seul. Amen. Que Dieu bénisse. Ils avaient besoin de lui. Il fallait qu'il soit critiqué, qu'il puisse accepter. La couronne qu'on avait mise, on lui a fait porter. Et en lui saluant, salut le roi des Juifs. Lui pensait qu'il se de méprise. Il les a regardés sans le répondre. Et il pensait que ça lui faisait pas mal. Maintenant, on a pris le rongeon qu'on lui avait donné à la main et on commence à tapoter sur la couronne de pines qu'on lui avait déjà portée. Salut le roi des Juifs, pour que ça puisse faire encore très mal, qu'il puisse accepter, qu'il puisse répondre. Alors lorsqu'on tapotait là, avec les épines qui entraient dans la peau, mon frère, lui aussi c'était un homme. Amen. Quand les épines entraient dans la peau, lui aussi pleurait. Pleurer comme l'agneau. Il ne pleurait pas comme une chèvre. Amen. Les épines entraient dans la peau. Il avait énormément pleuré. Les épines qui entraient dans la peau. Le sang coulait à la tête. Et ça tombait vers le visage. Le sang s'est mélangé avec le mensonge. Les larmes plutôt. Amen. Amen. Amen. Et les crachats de ivrogne, ils ont craché sur lui au visage. Ça s'est mélangé avec les sangs, avec de larmes, avec ces crachats-là. Les crachats sont passés par la bouche. Il a bougé, il a agité ses mains à la tête. Les gens qui est venu, les hommes qu'il est venu sauver, regarde comment ils ont fait pour envers lui, pour que toi tu puisses apparaître. Mon frère, c'est pour que toi tu puisses apparaître aujourd'hui. Tu as été racheté à une grande prix. C'est pourquoi la vie éternelle est précieuse. Elle est très précieuse. Vous êtes heureux ce matin que vous puissiez vous retrouver dans cette maison. Vous êtes heureux. Persévérez pour ce que vous avez cru. Ne rétrogradez pas. Si il y a ce qui vous fait rétrograder, c'est l'œuvre du diable. L'œuvre a déjà été accomplie. C'est héros ici, a tout accompli. Il a souffert à ta place. Il s'est chargé seul. Que Dieu vous bénisse. Quand ils sont arrivés au tribunal, là où ils devaient répondre, tous qui étaient là-bas, ils se sont réunis ensemble. Ils lui ont posé la question. Accepte tout simplement. Dis-nous clairement, est-ce que c'est toi le Messie? Et nous allons te relâcher. Que nous puissions croire, témoigner. Bref, que nous puissions croire pour qu'il soit relâché et qu'il puisse partir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il leur avait dit, si on vous pose la question, si je vous pose la question, vous n'allez pas me répondre. Si je vous réponds, vous n'allez même pas me relâcher pour partir. Si vous lisez Luc 22, si je vous pose la question, vous n'allez pas me répondre. Et vous n'allez même pas me relâcher. Mon frère, si il devait avoir raison, nous on ne pouvait pas être apparaître. Parce qu'ils avaient la loi entre les mains. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un sans problème. Que Dieu bénisse. Si je vous pose la question, vous ne pouvez même pas me relâcher et partir. Leur vouloir, ils ne voulaient pas écouter la vérité. C'est l'œuvre du diable. Lorsque le temps est venu, ce jour ici, nous lisons notre sujet de la prédication. 53. Si mon frère, tu restes encore voleur, le calfeur a déjà donné la solution. Si tu restes encore adultère, mon frère, le calfeur a déjà donné la solution. Si tu es encore envieux, l'envie, mes sœurs, la convoitise, mes sœurs. Tu iras où avec l'argent? Tu iras où avec l'argent? Mon frère, tu iras où avec l'argent? Dieu t'a aidé pour que tu puisses aider, bâtir ta maison. Toi, tu entres dans l'ambiance mondaine. Arrive, puisses-tu arriver à Calvaire, au calvaire? Il y a la solution. Arrive au calvaire. L'envie, c'est une maladie. Toute cette maladie vient du diable. Maintenant, ces jours ici, ces jours-là, il était flagellé. Il a été flagellé pour toi, mon frère. Pour ton envie là, pour que l'envie puisse rester au calvaire, le vol puisse rester au calvaire. Puisse rester à Golgotha. Ton impunité, ton adultère puisse rester à la croix. Le Golgotha a répondu. Il n'y a personne qui peut arriver là-bas et rester tel que l'était. Jamais. Toi, tu sais que tu es. Pourquoi? Avec le prix qu'on t'a racheté. Il n'y a personne qui pourra les supporter. Si c'était toi, tu allais pleurer et tu pouvais demander pourquoi vous m'avez tué. Mais lui, il est resté calme pour que toi, tu puisses être paraître. Avec ta maladie là, pourquoi tu n'es pas resté calme? Tu dois mourir. Amen. Amen. Tu vas mourir, c'est à cause du Christ. Pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on puisse voler, que tu sois volé. Pourquoi on peut voler? C'est à cause du Christ. Tu ne veux pas voir le bon, les belles choses qui se passent devant toi. Tu laisses que ça puisse passer. Quand ça va te passer, c'est à cause du Christ du Seigneur. Lui, il est mort pour toi. Lui, si vous voulez donner, Seigneur, raison, si vous voulez avoir raison, toi, tu ne pouvais pas apparaître. Ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que lui, il avait accepté. Lui qui a cru l'œuvre, lui qui a accepté l'œuvre du calvaire, il sortira du monde pour naître de nouveau dans les seigneurs. Si tu es né de nouveau dans les seigneurs, tu auras le Saint-Esprit de Dieu parce que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen. Golgotha a donné la solution. Le sujet de la prédication que nous avons. Puis Jésus cria et il expira. Natazama pazia ya hekalu. Regardez la voile du temple a été déchirée en deux, du haut en bas. Et le monde a été agité. Et le rocher ont été fendus. Et le tombe s'ouvrir. Ensemble avec le corps de saints de l'Ancien Testament. Et aussi, ils étaient ressuscités et retrouvés à la vie. Ceux qui dormaient, c'est ceux qui étaient morts. Un chrétien ne meurt jamais, un chrétien dort. C'est pourquoi nous sommes très différents avec les membres du diable. Et ils disent que si vous mourrez, ça n'est fini pour vous. Le membre du diable, l'évangile du diable, et ils appellent ça la parole de Dieu. C'est du mépris. C'est du mépris. Le chrétien ne meurt pas et il dort. C'est pourquoi la vie que nous avons, c'est la vie éternelle. C'est lui qui nous a donné, c'est le Seigneur, c'est Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Cette voie qu'on avait frayée pour toi, il a quitté les ciels sur son trône de grâce jusque sur tes pieds. La voie qui a quitté du trône de Dieu jusqu'à tes pieds, parce qu'il a quitté Dieu de Dieu jusque sur la terre. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses entrer dans le royaume. Amen. Amen. Dans cette voie, si vous lisez paragraphe 61, paragraphe 66, de la prédication, c'est tout là sur le calvaire, 25 décembre 1960. Vous verrez même les téléphones nommés là. Ne soyez pas tourmenté. À tout moment que tu vas te retrouver en cours de route, dans la maison, au travail, si tu as envie de prier, mets-toi à genoux et prie Dieu. Amen. Amen. Dans cette voie, si vous lisez Hébreux 10, verset 9. Hébreux. Ne pas tourmenter. N'osez jamais aller voir le divin. La voie est juste sous tes pieds. On t'a déjà relié entre toi et les ciels. Si tu restes que tu es, tu consultes les divins, la maison de prière. Toutes ces choses ont été accomplies. Nous allons lire. Verset 19. Ainsi donc, vous, les bien-aimés, les frères, comme nous avons l'autorisation d'entrer dans le lieu très saint à travers le sang de Jésus-Christ, dans une nouvelle voie de la vie, celle qu'il a effrayée pour nous à travers la voile, c'est-à-dire c'est sur son corps. Amen. Là où nous allons, nous sommes dans la parole. Sachez que c'est sur le corps de Christ que tu marches. En Jésus-Christ, il n'y a pas de voleurs. Dans Jésus-Christ, il n'y a pas des adultères. Dans le Seigneur, il n'y a pas des envies. Si tu es encore envieux, tu n'es pas en Christ. Lui, il a dit, soyez dans ma parole, soyez en moi, Cela veut dire que c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que toi tu marches. Et dans ces chemins, il n'y a point de voleur, point de loup. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 22. Il n'y a pas de voleurs. Les voleurs sont dehors. Les adultères dehors. Que Dieu vous bénisse. Pour marcher sur cette voie, c'est la voie de sainteté. Nous lisons dans Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe 35, 8. Dans cette voie. Amen. Dans cette voie. C'est une voix, la voix de sainteté. Ésaïe. Ésaïe 35, verset 8. Cette voix. Qu'on appellera la voie sainte. Rien de souillir n'entrera pas. Elle sera pour celle, pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même le sensé ne pourra pas s'égarer. Sur cette voie, point des lions, nul de bête féroce ne l'empruntera. Il ne rencontrera pas. Les délivrés y marcheront. Le racheté de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie d'éternité. Amen. C'est la voie de sainteté. Ce matin, lorsque nous allons prier, premièrement, que tu puisses te repentir dans la sincérité. Parce qu'il y a des chèques établis pour nous. Il y a des, chacun de nous a son chèque en toutes ses mains. Le chèque qu'on avait donné pour cette voie. Lorsqu'on va vous remettre votre chèque, premièrement, que tu dois d'abord te repentir. Que tu puisses avoir, et là tu écrivas, tu vous écrivez votre souci, et voyons voir si Dieu ne va pas répondre. Essaye d'abord si Dieu ne va pas répondre. Nous avons d'autres chèques qu'on t'a déjà donné pour cette œuvre de Golgotha. On ne doit pas laisser même Dieu. Nous voulons prier. L'œuvre de Golgotha a déjà été accomplie. La prédication, qu'y a-t-il dans ta main? Paragraphe 19. Soyons prêts, nous voulons prier. Chacun de nous va recevoir son chèque. Tu dois dire à ton Dieu, pour cette voie, pour cette marche, si tu es digne, tu vas voir le haut. Écris, moi je vais voir le haut. Si tu penses que dans cette voie, tu vas voir un bon mari, écris que j'ai besoin d'un bon mari. Si tu veux que dans cette voie, tu vas avoir une bonne femme, écris, moi j'ai besoin d'une bonne femme. Maintenant, moi, ce que je veux pour toi, que tu sois, que tu nais d'abord de nouveau. C'est ce que moi je veux pour toi. Écris, si tu es né de nouveau, tu feras la volonté de Dieu et Dieu fera tout ce que, dont tu as besoin. Nous allons lire. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est la prédication, la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Nous marchons dans la parole de Dieu. Maintenant, si tu persévères dans la foi, dans la parole, alors dis oui. Parce qu'il a dit dans Deutéronome 4, au verset 3, jusqu'au verset 24, soit à 7e. Si tu gardes la parole de Dieu, même le monde, ils vont voir que réellement ces gens sont Dieu. Lisez ça correctement. Lorsque vous lisez Deutéronome, verset 23, chapitre 23, verset 3, jusqu'au... Notre Dieu dit ceci: si vous gardez ces commandements, dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Maintenant, ce matin, mon frère, tu veux, ma soeur, tu veux avoir combien d'enfants? Combien d'enfants veux-tu? Notre Dieu, si tu prononces sa parole, la stérilité quitte. Ce matin, si ton cœur est touché, comme celle de Anne a été touchée, lorsque tu vas quitter celle-ci, la stérilité prendra fin. Amen. Notre Dieu, il dit ceci: si tu gardes ses commandements, la famine quittera les maisons. Tu es encore affamé? Deutéronome 23. Lisez correctement. Commencez par le verset 22. Tes enfants ne chercheront pas à manger. Et toi-même, tu n'auras pas de préoccupations pour chercher à manger. Garde tout simplement la parole de Dieu. Amen. Lisez ces conseils. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire. Soyez prêts pour recevoir vos chèques. Nous n'avons pas besoin de quelque chose. Frère, tu payes Dieu pour moi. Soyons prêts de recevoir nos chèques pour prier Dieu. Paragraphe 19. Nous n'avons pas besoin de rien. Nous ne manquons de rien. Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour ces voyages. Il a été pourvu à cela pour nous, ici même. Bien que chaque homme naît de nouveau, et l'esprit de vérité, le Seigneur lui donne un carnet d'échecs suffisant pour lui dans son pèlerinage. Et en bas de chaque chèque, pour n'importe quelle bénédiction de la rédemption, scellé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remplissez-le seulement et envoyez-le. Voyez si lui ne va pas l'honorer. Écris seulement. Écris seulement si tu ne vas pas répondre. Envoyez simplement. Envoyez simplement là. C'est ça votre compte. Il est déjà là. Il a déjà été crédité au calvaire. Parce qu'il a été fragilé pour nous. Brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Et c'est par ses meurtres sûrs. Par ses meurtres sûrs que nous sommes guéris. Tout est signé de son sang. Amen. Tout est accompli. Tout. Quiconque veut qu'il vienne tout simplement. Amen. Et cela a été prouvé. C'est prouvé ici qu'il a déjà été ressuscité d'entre le monde. Et il est en vie au milieu de nous ce matin. Même ce matin, toi, écris tout simplement sur ton chèque. C'est lui qui nous libère de la servitude. tout celui qui est dans la servitude. Jésus-Christ est ici pour lui sauver. Si il croit tout simplement. Ainsi. Je ne suis pas ici pour vous libérer. Parce que je ne le peux même pas. Je n'ai pas été envoyé pour faire cela. Je suis envoyé pour prêcher l'évangile tout simplement, c'est tout. Mais c'est Jésus qui est venu pour sauver les hommes. Amen. Que nous puissions, on peut nous entonner un cantique qui peut ouvrir le ciel ce matin. Si tu n'as pas encore cru, ces chèques, tu ne l'as pas encore reçu. Ces chèques ici, c'est pour le racheter, pour le croyant. Le Seigneur t'appelle à son œuvre de Golgotha. Il n'y a plus de temps. Parce que pour que toi aussi tu puisses recevoir ton chèque pour cette pèlerinage. Ces chèques contiennent toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi je t'invite de prier d'abord Dieu. Qu'on nous ouvre d'abord les cieux. Pour recevoir ces chèques, premièrement, tu dois croire. Ce matin, il t'est donné à toi, conformément avec l'œuvre de la croix. Nous allons incliner tous nos têtes. Ce matin, le Seigneur vous invite. Il n'y a plus de temps. Nous sommes arrivés à la fin. Croyez au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Ce chèque a été donné pour aux croyants. Ce chèque a été donné à ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur vous appelle que tu sois baptisé dans beaucoup d'eau pour naître de nouveau, que tu puisses avoir le Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses être enfant de Dieu dans son royaume. Mon frère, si tu es là, mets seulement ta main en l'air. Mon frère, si tu es là, mets tout simplement ta main en l'air. Crois au Seigneur comme ton sauveur personnel. Alors cet œuvre de la Golgotha, c'est pour toi qu'il est venu, pour que tu ne puisses pas être perdu, que tu puisses recevoir la vie éternelle ensemble avec les rachetés. Si tu n'es pas encore, si tu n'es pas croyant, l'enfer vous attend. Le temps de préparer ta vie, c'est maintenant. Nous t'attendons. Mets tout simplement ta main en l'air, toi qui crois, que tu sois baptisé dans beaucoup d'eau. Et temps d'échapper l'enfer, c'est fuir auprès de Jésus Christ. L'œuvre qui a accompli au Calvaire, c'est pour toi. N'ayez pas honte, parce que lui aussi il aura honte de toi les derniers jours. Crois pour avoir la vie éternelle. Mon frère, nous t'attendons. Que tu ne puisses pas avoir honte ni peur. Amen. Que Dieu bénisse mon frère. Tiens-toi debout, avance ici devant. Que Dieu te bénisse. Nous t'attendons, mon frère. Qui autre qui peut se livrer pour lui qui est le Seigneur Jésus-Christ est mort. Mon frère, nous t'attendons. T'attendons, ma soeur. Qui autre qui peut passer devant? Mon frère passe devant. Que tu sois baptisé dans beaucoup d'eau, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse richement, mon frère. Mon frère, nous t'attendons. Si tu as honte, le Seigneur aussi aura honte de toi à la fin. Si tu refuses de croire, cela veut dire que l'enfer nous attend. Crois pour avoir la vie éternelle. Pour être fils du roi dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Sache l'œuvre qu'il a accomplie au bon calvaire, sache que c'est pour toi qu'il est venu. Tu ne sais pas combien de jours il te reste. Aujourd'hui, c'est ton jour de rencontrer ton sauveur. Vous voyez combien il a souffert pour toi. Pour que toi, aujourd'hui, que tu sois fils du roi dans le royaume du roi, que tu puisses naître de nouveau, baptisé dans beaucoup d'eau. Qui du côté des sœurs? Qui du côté des sœurs? C'est à toi qu'on s'adresse. Lorsque tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ma sœur, tiens-toi debout. Tiens-toi debout et viens devant ma sœur. N'ayez pas honte. C'est parmi tes frères que tu dois naître aujourd'hui. Tu dois naître de nouveau en Christ. Dada, tunakuchunga. Ma soeur, nous t'attendons. Mets tout simplement ta main en l'air, nous allons voir. Amen, dada karibia apa. Amen, ma soeur, ushuke, avance devant. Descends, avance ici devant. Mungu akubariki, dada. Que Dieu vous bénisse richement, ma soeur. Unyoloshe mkono yako yulu. Mets tout simplement ta main en l'air. Bwana Mungu amibariki. C'est toi, mon frère, qu'on attend. Tiens-toi simplement debout. Leo, pate kujunga, pate que tu puisses être notre frère en Christ et que Dieu bénisse. Usimame na ukaribia. Tiens-toi debout et avance devant. Dada, tunakuchunga. Ma soeur, tu t'attends. Leo, ni siku yako. Juu nasikia neno la Mungu. Aujourd'hui, c'est votre, c'est ton Leo, jour, parce que yako. Tu écoutes. La parole de Dieu, demain ça appartient aux autres. Toi pour avoir la vie éternelle. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Il n'y a pas un homme corruptible qui t'appelle. Toi pour avoir la vie éternelle. Ma soeur, nous t'attendons. Nous voulons prier que chacun de nous puisse recevoir ces chèques et écrire. Ne dis pas que nous étions pressés. Nous t'attendons. Pas avoir honte ici, dans la maison de ton Père Dieu. Tous ceux qui sont ici, ce sont tes frères. Ils sont rachetés comme toi, si tu peux être racheté aujourd'hui. Ils sont remplis de joie de te recevoir. N'ayez pas honte, ni peur. Qui autre du côté de nos frères? Qui autre du côté des soeurs? Eti, moi, je suis amini. Usimame na wewe ujunge kui kundi kwa hapa mbele. Mzuri. C'est bien. Badia krebe kwako. Les diacres sont là. Kama unasikia haya. Si tu as honte. Pakwenda kubatiziwa na wewe ufuate tu mkundi ya wale watenda batiziwa. Avant d'accompagner les gens baptême que tu puisses suivre, il y a encore le temps pour toi. Ntume mwimbo tupate kuomba Mungu. Antone un cantique, nous allons prier Dieu. Tenons-nous tous debout pour prier. Levons-vous pour prier. Tenons-nous debout pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Prions tous ensemble. Que chacun de nous puisse prier. Que chacun de nous demande son chèque.